chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence. Oh, CKB Studio, ingénieur Yanganga, Kim Dubas, ça va pas pour la vie, non, hein? Artiste pour friser, Vanessa Tempo, Kumba Bisson Zéa Lola, Domine la Yes. Cédric Kalombo, Mana Yangolou, Full Power. Ningana, Ningana, pour la Yesu.